fond de son cœur. Il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement, il y pensait et il se souvenait. Donna, Donna, Donna, Donna, tu regretteras le temps. Donna, Donna, Donna, Donna, où tu étais un enfant. Je pense à ce petit garçon que j'étais. Nostalgie 60. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Nostalgie. Do to me, do to me. pas avoir l'air compressé. Mais je vais enlever aussitôt tous mes bagages remplis de cadeaux. Elle s'est bien soumise, ne lui jamais non. Et va tout brûler, la senteur à la prochaine. Elle s'est bien soumise, ne lui jamais non. O'clock, and I walk through the empty street. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me Nostalgie 60. Nostalgie. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préféré, Cosma? Et chaque fois

se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. À écouter sur nostalgie.be. Nostalgie. I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. We had was going strong. Through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye.

never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. The moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Betty raconte qu'elle était fiancée à Jimmy. En tout cas, là-bas qu'elle a au doigt, je suis sûre que c'est lui qui lui a donné. Tous les soirs à la sortie du lycée, il allait la chercher avec sa moto. Et tu sais, il conduisait comme un fou. Il a souri, l'a embrassé, puis il a dit adieu. Il paraît qu'il avait des larmes dans les yeux. Quand il a démarré dans la nuit, il pleuvait. Elle lui a dit de ralentir, mais est-ce qu'il l'a entendu quand elle a crié? Attention! Arrête! Attention! Attention! Ah! Elle pense à lui presque tout le temps. Elle se souvient de leurs bons moments. Ses amis lui disent toujours de ne plus pleurer son grand amour. Elle ne l'oubliera pas, lui le chef de la bande. Quel Nostalgie 60. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Tous mes copains, je les ai. Le meilleur des 60s, 24h sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie 60, les plus grands artistes des années 60. Nostalgie. Oh yes, I'm the great pretender. Personne ne m'aime, mais jour comme

jour peut-être on sera heureux. N'est-ce pas merveilleux? Écoute. chante. Dis, ferme les yeux, retiens l'heure présente, cette nuit de velours et ce souffle d'amour pour deux cœurs amoureux. N'est-ce pas merveilleux? Nostalgie 60. La décennie de vos plus beaux moments. Heart without regret.

Nostalgie 60. Vous êtes au cœur des années 60. Tu ne te sens plus chatte et que...

that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. Tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, ni au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Pas, petite fille, moi je t'ai rêvé, tu es venu, oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé. Nostalgie 60. À écouter sur l'appli mobile Nostalgie Belgique. Nostalgie.